Jésus. Merci Seigneur. Il est bon parce que tu es vivant ce matin. Il est merveilleux parce que tu es bien ce matin. Nous te bénissons Jésus. Nous te glorifions. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes vivants. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons encore ce matin. Nous t'acclamons encore ce matin. Oh, il est Jésus. Si tu es vivant, sois reconnaissant ce matin. Si tu es en bonne santé, sois reconnaissant ce matin. Nous allons continuer de le louer au travers de la louange avec trompette céleste, canon vocal. Nous allons encore le louer. On peut encore glorifier le Seigneur par nos acclamations. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Toi, tu es dans la maison du Seigneur, mais tu es triste. Est-ce que tu peux manifester ta joie ce matin? Manifeste encore ta joie pour celui qui a créé les cieux et la terre. Manifeste un peu ta joie pour celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Je n'entends pas. Je n'entends pas tes acclamations. Merci. Nous allons louer notre Dieu. C'est un chant facile. C'est un chant interprété de Moïse Bia, Bibomba Bomba. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons louer, nous allons célébrer le roi des rois, celui qui a gagné à la croix de Golgotha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de Seigneur, bougez. Bibomba bomba, bibomba bomba, etoyo. Bibomba bomba, bibomba bomba, etoyo. Bibomba bomba, bibomba bomba, etoyo. Bibomba bomba, bibomba bomba, etoyo. Eya bombi bagi na nanga, bibomba bomba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie qui peut balancer sa main pour la gloire du Seigneur? Bibomba bomba, bibomba bomba, esoyo. Bibomba bomba, bibomba bomba, esoyo. Et y'a mon pipo vrai de nanga, bibomba bomba, esoyo. Bibomba bomba, bibomba bomba, esoyo. Et y'a mon pipo qui la nanga, bibomba bomba, esoyo. Bibomba bomba, bibomba bomba, esoyo. Oh, bibomba bomba, bibomba bomba, esoyo. Bibomba bomba. Bomba bomba eso yo. Bomba bomba bomba bomba eso yo. Bomba bomba. Bomba bomba e soyo. Ye ya bomba ya mi bomba bomba e soyo. Bomba bomba e mi bomba bomba e soyo. Ye ya bomba teli bananga mi bomba bomba e soyo. Bomba bomba e mi bomba bomba e soyo. Ye ya bomba pobre tenanga mi bomba bomba e soyo. Bomba bomba e mi bomba bomba e soyo. Oh mi bomba bomba e mi bomba bomba. Bibomba bomba, bibomba bomba, eso yo. Est-ce que tu veux pousser des cris de joie? Oh, tristesse le prennent tous les jours. Mungu, una baki ya Mungu. pour que sa grâce est merveilleuse. Il est bon de le louer, mais il mérite encore davantage nos adorations. J'aimerais que de là où tu es, que tu disposes ton cœur. Bien-aimé, regarde le bienfait de Dieu dans ta vie. Regarde un peu ce qu'il a fait pour toi. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant aujourd'hui. Juste pour ça, il mérite notre adoration. Juste parce que tu es vivant, pas plus que ça. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer la paix. Tu peux manquer la gloire. Mais tu es vivant. Tu es vivant ce matin, alors j'aimerais que tu lui dises merci. J'aimerais que tu lui dises qu'il mérite d'être adoré ce matin. De là que tu es, j'aimerais que tu remontes encore le parfum de ces délices dans ta vie. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin parce qu'il est Dieu. Adore-le ce matin parce qu'il est vite. Adore-le ce matin. Il y a d'autres qui se confient à des hommes. Il y a ceux-là qui adorent les statues. Il y a ceux-là qui adorent les êtres. Mais toi et moi, nous adorons Dieu. J'aimerais que tu l'adores ce matin. J'aimerais que tu l'adores ce matin. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Seigneur. Seigneur, ton Dieu au-dessus de tous les noms. Et que tout seul nous fléchisse lorsque on invoque le nom de l'Éternel. Élève-les dans ta vie. Élève-les dans tes problèmes. Il est là, il est là. Toi le seul saint, avec tout ton cœur, digne. Encore une fois de plus, nous chantons avec toute notre âme. Reçois-la. Continue à prier, bien-aimé. Oui, élève, tu vas commencer à prier le Seigneur. Continue à l'adorer, à l'élever. Alléluia. Commence à adorer le Seigneur. Monte encore en prière. Je veux t'entendre, je veux entendre ta voix. Ta voix n'arrive pas encore ici. Il veut t'entendre. Oui, monte encore, il va entendre ta voix sur la terre. Appenda kusikia sauti yako asubuhi ya leo. Yo! Oh, yes! Wana akusante kokati. Tu es présent avec nous. Eko pana face. Abudu Buana. Richesse des adorateurs. Futa wa Abudu. Richesse des adorateurs. Emmanuel, voilà ici présent avec nous. Emmanuel. Il est présent ce matin. Oh, Emmanuel. Voilà. Avec moi, Emmanuel, oh Dieu veut t'entendre ce matin. Mungu anapenda kukusikia asubuhi. Est-ce que ton cœur peut monter encore? Eti moyo wako naweza kupanda tena. Ça c'est des moments où il guérit les malades. Ini mawakati ile kona tunza bagonjwa. C'est des moments où il change de vie. Ni mawakati ile kona badirisha maisha. C'est des moments où il descend de son corps. Ni wakati kona shuka wakati yake. Dieu n'est pas lié à l'organisation. Ai ambatanishwa tena na kutafuta. Si ton cœur est disposé ce soir. Kama moyo wako ni tayari asubuhi. Il va te toucher. Atakugusa. Et pendant que je parle. Na wakati niko nasema. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Va te toucher. Iko na gusa maisha. Parce que Emmanuel est présent. Yo, ekosa. Yara gusa. Lurebai kamana. Oh, regenesha yama. Wele sekenta yama mamo. La igene reba yadora yama. Waina manore kamana. Oh, merci Saint Esprit. Accent rom takatif. Merci Saint Esprit. Accent rom takatif. De vie que tu es en train de toucher. Pour des maladies que tu es en train de guérir. Pour les portes que tu es en train d'ouvrir. Pour les élèves que tu es en train de disperser. Que tu n'as pas un chemin. Tu ne voulons pas ce chemin. Tu es là. Avant même d'écouter la parole de Dieu, je veux t'arroser de son esprit. Sois seulement concentré. C'est ça la présence de Dieu. Seigneur, tu as dit que cette promesse est pour nous et pour tous ceux qui croiront. Je prie maintenant tout celui qui croit, qui reçoit la promesse du Saint-Esprit dans sa vie. Arrose maintenant. Mimi Asasa. Arrose, Mimia, remplis ce lieu. Chiasa fazi, rempli de vie. Chiasa maisha. Bénissons ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le roi de rois? Célébrer le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, Tchapa Kofi. Tchapa Kofi. Tu es Bouana Yamamoua. Salut celui qui est à côté de toi. Tu dis que Dieu te bénisse. La chorale est très bien habillée ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne saluent jamais les autres. Saluons. On ne sait jamais. En quittant seulement l'église ce matin, la vie de ton voisin peut changer, tu peux avoir besoin de lui. Alléluia. Amen. Vous savez que la vie, una ona maisha, ce n'est pas seulement la prière. Aina tuma ombi. Moi, je suis père et pasteur, je dois vous enseigner des choses vraies. Chaque fois que je prie, Dieu dit, Seigneur, aide-moi. Mimi ni baba na naweza kumifundisha bitu mara yote nikiomba nasema Bwana nisaidie. L'évolution dans la vie. Basi kupanda ndani ya maisha. Oui, il faut prier, c'est vrai. Dieu inapasha kuomba. Mais c'est aussi un problème de relations. Lakini nakuwa tena tatizo ya mahusiano. Dis à ton voisin les relations. Sema na jirani mahusiano. Dis-lui les relations. Sema mahusiano. David pour entrer chez Saül. Daoud quoi tu l'as kuingia kwa Saul. Il avait besoin d'une relation chez Saül. Ali lazimisha tena mahusiano fulani kwake. Joseph pour devenir premier ministre. Basi Yusufu kwa ajili ya kuwa liwali wa kwanza. Il avait besoin d'une relation chez Pharaon. Ali lazimisha tena kuwa na mafia. Alléluia. Amen. Les relations. Mahusiano. Pour devenir même apôtre. Kwa ajili ya kuwa hata tena mtume. Pour devenir même ancien. Kwa ajili ya kuwa mzee. Diacre. Shemashi. Ce n'est pas toujours la prière. Ile haina tu maombi. On va dire à Nathanaël. Nasema na Nathanaël. Viens. Kucha. J'ai vu le Messie. Na ona Messia. Alléluia. Amina. Les relations. Mahusiano. Beaucoup de gens what doing? Sont très intelligents. Wanakuwa wenye akili zaidi. Il y a des personnes très belles. Kuna watu warembo zaidi. Mais qui ne prospèrent jamais dans leur vie. Lakini hawana na kustawi mu maisha yao. Pourquoi? Sababu kani? Parce qu'ils ont détruit kwa les relations. Maana wameharibu mahusiano. Arrange tes relations. Basi tengeneza mahusiano yako. Tu ouvres des portes à ta vie. Unakuwa nafungua milango mu maisha yako. Il n'y a pas que la prière qui est une clé. Aina tu maombi inakuwa fungulo. Les relations. Mahusiano nayo. Sont une très grande clé dans. Inakuwa funguo mkubwa mu maisha. Alléluia. Amen. Les relations. Mahusiano. Les relations. Mahusiano. Les gens qui ont de bonnes relations. Watu wenye wanakuwa na mahusiano mzuri. Ils ont un pas de plus sur toi. Wanakuwa wenye kusonga mbele kukuzidia. Même à l'école. Hata kushule. Oh, je me rappelle nous étions en prépo. Nakumbuka tulikuwa mutengenezo. Pendant qu'on se battait en trigonométrie, on ne comprenait rien. Wakati tulikuwa napigana na mathématiques. Un vieux qui vient qui me regarde. Basi ndugu mmoja akakuja kuniangalia. Il me désire quand tu vois un problème comme ça. Anasema wakati unaona tatizo kama na. Regarde si tu fais plus 1. Ukifanya unaongeza moins 1. Tu regroupes ici. Unaichanga hapa. Tu as déjà le produit remarquable. Tu as la solution. Je le regarde. Je me lève et je dis beaucoup bon wafa. Grand merci. Parlez de moi, Kiri. Oh, ça, c'est pas l'intelligent. Les relations. Il est ni maociano. Ton enfant est malade. Mutoto yako ni mugonjwa. Vous savez, quand on met au monde la première fois, wakati unazaa mara ya kwanza, mon épouse a l'ombation au téléphone. Basi bibi eko lubumbasha kanita. Malade, la femme est tellement souffrante. Prémé, pourquoi on bat? Apa, il n'a omba tout ma ombi. Et maman qui dit, apa, non. Ou bien, pourquoi ma faute à Kinkonja? Prenez juste de l'huile de palme. Mambo, il faut résoudre. Et ça sera résolu. Est-ce que ni ma ombi? Ça, c'est la prière. Non. Non. Les relations. Il est ni ma usiano. Si le diable veut te tuer, j'ai tania qui lazimisha kuku uwa, il t'isole. Anakuwa tena na kuweka pepe. Chaque fois que le diable coupe tes relations. Mara yote shetani amekata mahusiano. Il coupe ta vie. Anakuwa nakata maisha yako. Alors salue celui qui est à côté de toi. Alafu salimia mwenye anakuwa pembeni yako. Tu dis je veux garder de bonnes relations avec toi. Sema tachunga mahusiano mzuri na wewe. Les relations. Dis je veux garder de bonnes relations. Sema tachunga mahusiano mzuri. Les relations. Mahusiano. Les relations. Mahusiano. Les bonnes relations. Mahusiano mzuri. Mais amna mkiane, vous ne voulez pas des relations, frère. Gardons les bonnes relations. On ne sait jamais. Il faut de bonnes relations. Il a un bon mahusiano mzuri. Les bonnes relations. Mahusiano. A ton à vous pender que ma relation. Qu'est-ce qui se passe? Wow. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Gardons nos relations. Oh! mahusiano yetu mahusiano. Ça va garder de bonnes relations, même en famille. Vous allez voir, même en famille, vous êtes à 6 à 12 à 10. Il lui a demandé, il lui a donné encore. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même famille qu'on a tous les mêmes relations. Alléluia. Amen. C'est pas toutes nos belles sœurs qu'il faut leur donner. Mais vous savez qu'il y a un colon pour ta moupa. Il y a les autres, même si tu demandes, tu dois toujours les donner. Vous n'avez jamais vu ça? Amuyaonaka. Vous n'avez jamais vu? Amuyaonaka bien ville. Bon, peut-être que vous n'avez pas de beauf et de belles. De beauf et de quoi? Basemeki, ça zingi na munana basemeki. Là, on ne coupe pas. De beauf et de belles. Arangi na munana basemeki. Alléluia. Amina. Non, c'est important. Ioni yamu imu. Amen. Amen. Ce matin, je voulais enseigner et enseigner beaucoup de principes. Je voudrais que tu sois vraiment attentif. Parce qu'il y a des choses qui vont changer ta vie. Chaque fois que Jésus-Christ a rencontré une personne, ou chaque fois qu'une personne a rencontré Jésus, la personne a été impactée. L'environnement a été impacté. Et l'histoire a changé. Alors je prie ce matin que tu sois impacté, que ton environnement soit impacté, et que l'histoire de ta vie soit impactée. Alléluia. Amina. Il y a des gens dont on ne pouvait jamais parler. Mais si on parle d'eux, c'est parce qu'un jour, ils ont rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Comment on peut parler d'une prostituée? Comment on peut parler d'elle? On peut parler d'elle parce qu'un jour, cette personne a rencontré Jésus. Comment on peut parler d'un malade abandonné pendant 38 ans? Comment on peut parler d'un pauvre ou parler d'un riche? Non, c'est parce qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un capable de changer l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais parfois, tu cours de maison en maison. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Et ce matin, je vais donner certains principes. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Ésaïe 33, verset 22. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Toutes ces choses, c'est pour nous sauver. C'est pas pour nous envoyer en prison. C'est pour nous sauver. Et ce matin, Dieu veut sauver quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Oh, gloire au Seigneur. Je voulais parler de l'Éternel, notre législateur. Deux points. La loi héritage. La loi de l'héritage. Sheria ya uriti. Je vais essayer d'introduire. Cette semaine, je prie que le Seigneur m'aide et le Seigneur va m'aider. Pour que je développe tous ces points pendant la semaine. La loi de l'héritage. J'ai considéré deux grandes choses d'un législateur. On a vu Tumbili comme Tunga Sheria. Quand je parle du législateur, en français facile, nous les Congolais, regardez les parlementaires. Les parlementaires, c'est ça? Ok, les députés, si vous voulez. Le travail des législateurs. Le plus grand travail ou le grand travail de l'islateur, c'est de faire des lois et de veiller à leur exécution. Donc la première chose, le Dieu législateur, il établit des lois. Et il veille sur l'exécution de ces lois. Jérémie chapitre 33, versets 1 à 2, que vous connaissez. Jérémie chapitre 33, versets 1 à 2. 33. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fut adressée à Jérémie. Une seconde fois. Il y avait une première fois. Il y avait une seconde fois. Quand il était en prison. La prison des hommes n'a pas empêché que Dieu parle à Jérémie. Il dit en ces termes. Et la Bible précise que c'est dans la cour de la prison. Quels sont les termes? Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. C'est Dieu qui fait les choses. Oh bien-aimé, tu dois réaliser dans ta vie que c'est Dieu qui fait les choses. Ça te rassure. Même quand quelqu'un vient se frapper la poitrine, tu dis doucement, c'est Dieu qui fait les choses. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui fait ces choses. Ce que j'aime, il les conçoit et il les exécute. Il conçoit. Anatunga yale mambo. Et l'exécute. Kuyatimiza. Quand Dieu conçoit quelque chose. Wakati Mungu anatengeneza kitu fulani. Il exécute la chose. Anakitimiza. Donc on n'a pas un Dieu. Kusema atuna na Mungu. Qui conçoit les choses qu'il ne peut pas exécuter dans ta vie. Vitu bien yawezi kumaliza mu maisha yako. Il les conçoit. Et qu'on atengeneza vitu. Si Dieu conçoit ton mariage, il exécutera ton mariage. Si Dieu conçoit ta grandeur, tu seras grand. Parce qu'il a les moyens de l'exécuter. Alléluia. Amen. Donc la première chose, Dieu il fait les lois. Il les conçoit. Et il les exécute. Deuxième chose, je suis en introduction. Les lois que Dieu fait prennent en compte tous les domaines de la vie. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui n'a pas une loi de Dieu qui peut l'influencer. Quand tu es malade, cherche, il y a une loi. Quand tu as des problèmes, il y a une loi. Quand tu n'as pas de travail, il y a une loi. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme. Là où Dieu ne peut intervenir, là où Dieu n'a pas encore fait une loi. Frères et sœurs, si tous les députés du monde, c'est à écrire les lois pour leur pays, il n'y a aucun domaine de la vie. Là où Dieu n'a pas écrit de loi, il n'y a aucun domaine. Et ne pensez pas que les lois de notre pays sont les meilleures. Non. Ne pensez pas que ce sont les lois de l'Afrique du Sud. Non. Les meilleures lois, ce sont les lois de l'Éternel. Alléluia. Amen. Chaque pays a ses lois. C'est comme ça que quand tu es enfant de Dieu, tu as les lois que Dieu a établies. Je suis parti dans un pays où quand on te sert dans un restaurant, ici sur le Congo, quand on est dans un restaurant, est-ce qu'on donne quelque chose au serveur? Est-ce qu'on leur donne quelque chose? Mesdames et messieurs, tu vas partir à quelque chose. Est-ce qu'on leur donne de l'argent? Généralement, tu vas partir à qui? On ne les donne pas. Quand on partit de Kubuluma, on les donne seulement par pitié. Kubuluma, par pitié. Oh, comment tu m'as mis peut-être qu'elle a bien travaillé, tu as pitié. Je suis parti dans un pays où on a légiféré une loi. Une loi. Sharia. Quand quelqu'un te sert dans un restaurant, tu dois lui donner 15% de la facture. On n'a pas chacun 15% il est facture. 15%. 15%. Donc, comme on n'arrive pas à facturer, il y a 100 francs. Si tu vas payer la facture de 100 francs, 15% il y a 100 francs, Gabi. 0,5. 15% il y a 100 francs. 15% il y a 100 francs. 15 francs. Donc, comme on n'arrive pas à facturer, il y a 100 francs. Il est ta facture, il y a 100 francs. On a tous 15 francs, on pâti. On lui donnait au moins aussi 15 francs. Comment on bâtit à moins à 15 francs? Quand on lui donne le moins de 15 francs. Moi, je ne savais pas. Si, je dis, si mon mungu a tourné à nous, que Dieu nous pardonne seulement. Mon mungu a pas tourné. Que Dieu commence seulement à nous pardonner. Toi, tu donnes comme un Congolais. Et puis, et bien, elle te dit. On connaît ça. Elle te dit en anglais, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai mal servi. J'ai mal fait quelque chose. Fanya, qui tu qui m'a dit non? C'est ma part. Oui, je dis, mais pourquoi? Mais vous m'avez donné 10 francs. On a une partie à 10 francs. Alors celui qui est à côté demande. Non, non. C'est 15%. 15%. Sorry. Oh, désolé. J'ai ajouté les 5 francs. 5 francs. Il y a 15%. Ah, là, je suis en fourra. Là, il était erré. Ah, la mousse, la mousse, pas qui ça même. Ah, la mousse, la mousse, la mousse. Il t'a même fait un pas. Ah, il y a ça, un commerçant. C'est pas comme de commerçants. Ah, au pende. Oui, loi. Comme tu ne veux pas parler. Bien vu là pas. Ça, il n'est pas comme ça. Frère, Kumbingo. Si la grâce de Dieu n'était pas là, si pas Congolais, tu penses qu'on a un problème. On devrait avoir des problèmes, nous les Congolais. 15%. 15%. C'est une loi. Moi, je savais que c'était une loi. Il compte chéri. Ok. Dieu. Mettez-moi Ézéchiel, chapitre 41. Ézéchiel, Makumi, Inenamoto. Versets 1 à 4. Retenez les. Ce sont des bons versets. Ézéchiel. Chapitre 41, à partir du premier verset. Il me conduisit dans le temple. À ce verset, il y a un parallèle dans la Bible. On ne va pas le lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 6. Où vous connaissez que nous sommes le temple, verset 19. Que nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, restons d'abord sur ce verset. Il me conduisit dans le temple. Il mesura le poteau. Ok, je lis seulement en français, il n'y a pas de souci. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre côté, largeur de la tente. Verset 2. La largeur de la porte était de 10 coudées. Il y avait 5 coudées d'un côté de la porte et 5 coudées de l'autre côté. Il mesura la longueur du temple. Il mesure maintenant la longueur. Capimao refou. 40 coudées. Coudées ni. Choi. C'est effectivement ça, on mesurait comme ça. On mesure, on a tracé à pas, on avait battu, on mesure. C'est ça le coudé. Il en a coupé. Et la largeur, 20 coudées. Verset 3. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte. 2 coudées, la porte 6 coudées et la largeur de la porte 7 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées et une largeur de 20 coudées sur le devant du temple. Il me dit, c'est ici le lieu très saint. Alléluia. Amen. Quand vous lisez un verset comme ça, ça peut paraître, voilà. Réfléchissons. Dieu entre dans le temple. Avec toi. Mais il prend le temps de mesurer la longueur, la largeur de la porte. Il termine. Il vient mesurer les poteaux. Il termine. Il vient mesurer cette largeur. Il termine, il mesure la longueur d'ici jusqu'à là. Et puis il va à l'extérieur, il mesure. Moi, ça m'a, je me suis arrêté. J'ai dit, oh Dieu est merveilleux. Il n'y a aucun détail du temple que Dieu n'a pas mesuré. Il n'y a aucun détail du temple. Du temple. Du temple. Qui n'était pas connu de Dieu. Ça me réjouit. Il n'y a aucun détail de ta vie que Dieu ne connaît. Et les détails de l'intérieur. Et les détails de l'extérieur. Il a mesuré tout ce qui était à l'intérieur. Il a mesuré tout ce qui était à l'extérieur. Waouh! Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, il connaît tout ce qui est dans mon intérieur. Et il connaît tout ce qui est dans mon extérieur. Il n'y a aucun détail. Toi qui es triste ce matin, à cause des choses qui sont à l'intérieur, les choses que les hommes ne connaissent pas, toi qui as des problèmes, parce que tu as des pensées qui te rongent, tu as des pensées qui te rongent, tu as des problèmes non résolus, toi qui es là ce matin, à l'extérieur, il y a des choses qui t'attendent. Non, le Dieu qui est là ce matin, il connaît tous les détails de ce qui est dans ton intérieur. Il connaît tous les détails de ce qui est à l'extérieur. Et c'est lui qui fait les lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on est chrétien, il faut vivre différemment. Il faut considérer les choses différemment. Il faut considérer les choses différemment. Vous savez, aussi longtemps qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on a des problèmes. Et on a beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, on se pose des questions sur. On veut fabriquer les choses dans la vie suivant nos émotions. Dieu ne fonctionne pas avec nos émotions. Dieu fonctionne avec sa part. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu se fait législateur? Donc j'ai introduit. Maintenant j'ai dit. Point numéro 2. Pourquoi Dieu se fait le législateur? Est-ce qu'il n'a rien à faire? Non. Dieu se fait législateur par amour pour nous. Parce que Dieu constate que plusieurs vies sont détruites parce que les gens ignorent ou acceptent de vivre sous des lois sous lesquelles ils ne devaient pas vivre. Ce n'est pas un signe d'humilité. Ce n'est pas un signe spirituel. Tu as accepté une loi que tu ne devais pas accepter. Frères et sœurs, si dans ta maison tu vois un serpent entrer, tu vas le chasser parce qu'il n'a pas droit d'entrer dans ta maison. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, pasteur, j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu comme un démon dans ma maison. Il m'a dit, mais c'est ton problème. Pourquoi tu acceptes que les démons entrent chez toi? Les démons n'ont pas droit d'entrer dans ta maison parce que c'est ta maison. Alléluia. Ce sol là, c'est toi qui le contrôles. Cette concession là t'appartient. Pourquoi tu acceptes? Non, les sorciers m'en veulent. Les sorciers ne t'aimeront jamais. Ils t'en voudront toujours. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont t'aimer. C'est des lois. C'est des lois. Alors, il y a une première loi. Je voulais expliquer cette loi. Tirer des leçons. Et nous allons prier parce que beaucoup ont ce problème. Et là où j'étais, c'est le Seigneur qui commence à m'enseigner sur cette loi. Nombre chapitre 27. À partir du premier verset. Je pense jusqu'au 10e, 11e verset. Nombre chapitre 27. Est-ce qu'on peut lire maintenant la parole de Dieu qui est notre texte d'aujourd'hui? Du premier au 11e verset. Nombre. Nombre vient avant Deutéronome, avant Lévitique. Voilà, retrouvons. Ok, merci la technique. On peut lire ensemble, mais je crois que comme tu l'as dit, nous maïs, nous allons tout y engouffrer. Bah, ton pangar, bah, ton magie, tout dit facilité comme tâche. Facilitons-nous la tâche quand nous donnons les noms à nos enfants. Parce que parfois, on n'a pas comme toi, tu dis, quand on va coucher dans le monde, ok, on va faire l'exercice. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce verset? 1, 2, 3. Les filles de qui? Ah, le papa ici n'est pas gentil. Vous voyez que c'est déjà très compliqué qu'il donne les noms comme ça. Ok, on peut y aller. 1, 2, 3. Très bien. Verset 2. Vous lisez très bien. Montez encore, verset 2. Lisez à haute voix. Très bien, verset 3. Verset 4. Très bien. Verset 5. Verset 6. Verset 8. Verset 9. Verset 10. Verset 11. Vous lisez très bien, ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs. Et tu n'as pas besoin. C'est une histoire merveilleuse. Ni Adisi Muzuri. En même temps triste. Tena na kuwa ya uzuni. En même temps qui nous donne beaucoup de leçons. Kati moja moja na tupa fundisho. Et j'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur. Na nilipenda kugawanya pamoja na nyenye Mungu alinitia moyoni. J'aime d'ailleurs, je bénis le Seigneur. Comment ça se termine? Je prends la dernière phrase. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit. On leur a arraché un droit. On l'a remis le droit. Car déjà il est russe. Je crois que le soigneur ne dit pas. Bon, vous comprenez ce que ça signifie. On leur a remis le droit. Déjà il est waki. Et Dieu n'a pas seulement remis le droit. Mungu asikurudisha tu le waki. Dieu en a transformé en loi. Alibadirisha kuwa tena ndani ya waki. Na kuwa sheria. Voilà. Bon, vous savez. Droit, loi, sheria, rusawaki. Bon, les juristes, c'est presque les mêmes choses. Hein? Mais qu'on se comprenne. Il y a quelqu'un qui t'a arraché des droits. Les droits qui te revenaient. Tes droits, toi, en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit. Biblia nasema. Dans Jean chapitre 1er, à ceux qui l'ont reçu, wenye à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le droit, mawak. Et on a vu dans Job, Ayubu, le chapitre 22, sura si tu reviens au Tout-Puissant, yote, tu seras rétabli dans tes droits. Beaucoup de gens ont perdu leur droit. L'ennemi a arraché le droit. La guérison est un droit. Et la bonne santé est une loi. Ici, je parle de l'héritage. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait 5 filles. De Wawili, c'est le fachade. Likuani uyu tena c'est le fachade. C'est comme ça dit parfois donnant des noms faciles. Comme on a sema kuleta kwa majina ya teke teke. Qui est ce père? C'est le fachade. Ni nani uyu baba? C'est le fachade. D'abord son nom signifie le premier né. Jina yake nata kusema mzaliwa wa kwanza. Le verset premier, dans ton verset premier, on nous dit qu'il est de la famille de Manassé. Manassé, qui est Manassé? Ninani uyu Manassé? Ok, je ne vais pas donner trop de détails, je rentre rapidement. C'est dans l'histoire, hein? Je rentre rapidement. En fait, Joseph avait 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Manassé c'était l'aîné. Manassé alikuwa ni mzali wa kwanza. Ephraïm c'était. C'est ça? Dio, Ephraïm c'était le plus jeune. Comment on appelle? Le cadet. Mwenye alikuwa tena wa mwisho. Quand Joseph a vu que son père Jacob devait mourir, il a pris les deux enfants, il les a amenés chez son père. Il a pris l'aîné à la main, à droite, le cadet à gauche. Non, il a pris l'aîné à gauche, le cadet à droite, pour présenter l'aîné à droite du père et le cadet à gauche du père. Et quand le père, qui ne voyait presque pas, devait bénir, il a croisé les bras. Il a fait d'Ephraïm l'aîné, il a fait de Manassé le deuxième. Joseph a eu mal. Non, papa, il a même dit, non, papa, tu te trompes, ce n'est pas comme ça. Il dit, non, je ne me trompe pas. Je sais ce que je fais. Évidemment, je ne vais pas entrer dans tous ces enseignements-là. Jacob, à ce moment-là, il se comporte comme un prophète. Il voit très loin. Il regarde que c'est Israël qui vient avant. Mais Dieu ne va pas commencer avec Israël. Dieu va commencer avec les nations. Il dit que je commence avec les nations. Et après, je reviendrai à Israël. Joseph dit non, ce n'est pas comme ça. Il dit non, on ne change pas. Dieu, c'est le prince. Ok, bref. Tous sont bénis. Il dit, mais lui aussi sera une grande nation. Il les a bénis. Donc c'est Manassé est béni. Remarquez très bien. Ça, nous sommes dans Genèse. Chapitre 48. Quand Jacob bénit Manassé. Nous sommes dans Genèse, la loi n'est pas encore là. La loi est venue avec Moïse. Avec Abraham, Isaac, Jacob. Il n'y a pas de loi. Il y a la grâce. Il y a ce que Dieu veut. Manassé est béni avec toute sa progéniture. Moïse vient. Il établit une loi pour partager l'héritage parmi les 12 enfants de Jacob. Manassé et Ephraïm devaient recevoir la part de Joseph. Donc les deux devaient recevoir aussi le territoire. C'était ça la loi. Mais c'est le façade. N'a eu que de filles. Il n'a pas eu de garçons. Et la loi disait, on ne peut donner l'héritage qu'aux garçons. C'était ça la loi. Il a eu 5 filles. La première fille, on nous a donné les noms, elle s'appelait Makla. Nous sommes au verset premier. Makla, M-A-C-H-L-A, tel que vous voyez le tableau. Makla signifie douceur. Maclaine a tatu kusema ustare. La deuxième fille, binti wa pili, s'appelait Noa. Ali itwa Noa. Noa signifie vivre, errance ici et là. Noa nata kusema kuishi mu maisha ya huku na kule. La troisième fille, na binti wa tatu, s'appelait Ogla. Ali itwa Ogla. Ogla signifie perdrix. Ogla inatakusema tena perdrix. Perdrix. Drix, c'est un oiseau. Inakuwa ni ndege. Un oiseau qui va. Tout oiseau vole toujours, mon cher. Il y a des oiseaux qui ne volent pas. Hein? Il y en a? Il y a des oiseaux qui ne volent pas. Hein? C'est un oiseau. Ok. Dio. Ok, donc Ogla, c'est un oiseau. La quatrième fille. Bintua inne. Milka. Yani Milka. Milka. Milka. Signifie conseillère. Natakusema mushauri. Conseillère. Mushauri. Et la cinquième fille. La bintua tano. Tirsa. Tirsa. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est le dernier nom là sur le tableau. Si c'est Tirsa, c'est Fusa. Comme on peut prononcer en anglais ou en français. Signifie charme. Joie. Cinq filles. Cinq caractères différents. Cinq filles de la même maison. Cinq noms différents. Cinq caractères différents. Je parle aux parents. Nous avons dans nos maisons des enfants. Tu en as cinq. Tu en as dix. Dix caractères différents. Aina kumi ya tafauti. Cinq caractères différents. Aina tano ya tafauti. Même si on a deux caractères différents. Ayo maina mbili ya tafauti. Parfois nous voulons que tous les enfants aient le même caractère. Tunapenda watoto wote wana tabia moja. Impossible. Haiwezekani. Ogla ni wakuluka luka. Ogla c'est celui qui s'en va. Tessa le calme. Donc, Moujama, dans une famille, Kukuba moto. Il y a ceux qui sont chauds. Et les autres, ça dépasse, ça commence même à brûler les choses. Et les autres aussi, ils sont juste. Polé. Ils sont tout. Il y en a qui ont le charme. Wengine wanakuwa tena na fura. Le charme. Bon, Kusema Muzuri. C'est ça. Vous avez compris. Il y en a qui ont le charme. Il y en a qui n'ont pas le charme. Ok, vous avez compris. Mais toutes sont les filles. Rappelez-vous de Rachel et de Léa. Deux filles de la même famille. Binti Banasema, où y a macho yangufu ngufu. Celui qui avait des beaux yeux. Hein, macho yangufu ngufu. Dans des beaux yeux. Ça c'est Léa, bon, ça c'est compliqué, il y a la traduction, il n'y a pas de souci. Rachel était belle de figure. Donc, tout ça, ça fait partie de la beauté de Dieu. Bon, ça ce n'est pas vraiment mon problème. Ce que je retiens, cinq filles, cinq personnalités différentes, cinq caractères différents. Mais ce que j'aime avec ça, verset 2. Verset Abin. J'explique maintenant l'histoire. Ses fils s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Devant les sacrificateurs et devant les princes. Elle dit. Verset 3. Verset 3. Notre père est mort dans le désert. Dernière phrase, il n'avait point laissé de fils. Verset suivant 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Voilà. Cinq filles. Cinq enfants. des caractères différents, des personnalités différentes. Mais quand il s'agit de la cause de la famille, quand il s'agit de l'avenir de la famille, elle parle tout un seul langage. Est-ce que vous me comprenez? Église, kanisa, plusieurs, wengi, chacun avec son caractère, sa couleur, sa taille, na urefu, sa richesse, na mali. Mais quand il s'agit, lakini wakati kieleke, de la cause de l'église, ya kanisa, de la famille, ya jama, un seul langage. Inakuwa msemo moja. Je descends même dans les familles. Na shuka tandani ma jama. Nous pouvons nous battre en famille. Tunaweza kupigana ndani ya jamaa. Ça arrive. Inaweza kufika. Tu peux priver la nourriture à ton frère. Ça arrive. Unaweza kuima chakula kwa baba inaweza kufika. Mais si il faut défendre votre lakini famille. Kama ni kwa ajili ya kusemea jamaa. Mes frères, dugu, tous les enfants, watoto wote, ayez le même langage. Mukuye na msemo moja. Sinon, il, la Bible dit Biblia nasema, que une famille divisée en elle-même est une porte ouverte à la souffrance et à la mort. Na kukifo. Il n'y aura pas d'avenir. Je vais parler aux enfants. Napenda kusema na watoto. Quel que soit vos caractères, ingawa maainisho yenu, quand il s'agit de la cause familiale, anjo ya jama, rassemblez-vous et un même langage. Enfants, vous me comprenez. Dans la famille. Enfants, ne signifie pas parler au mais membres qui toquent mon famille. Mais s'il y a un problème dans la famille. Pour l'avenir de votre famille. Et je vais revenir parce qu'on parle du nom du père. Vous êtes entré dans terrain à cause de querelles. Rassemblez-vous. Ayez un même langage. Pour votre famille. Ne détruis pas ta famille. Vous allez rater l'héritage. L'église, kanisa, c'est une famille. Inakuwa jama. Il y a 200, 300, 400 personnes. Chacun avec son caractère. Kila moja anakuwa na tabia zake. À cause de l'héritage. Kupitia uriti. À l'extérieur. Inje. Ayons le même langage. Tuwe na msemo moja. Lève ta main avec moi. Nyanyua mkono yako pamoja na mie. Sema Mungu wangu. Mungu wangu. Mina tubu. Mina tubu. Unirumie kwa vibaya vyote. Unirumie kwa vibaya vyote. Bile mina semaka juu ya kanisa. Bile mina semaka juu ya kanisa. Mina tubu tena. Mina tubu tena. Unirumie. Unirumie. Nilisabu kuunganisha familia yetu. Nilisabu kuunganisha familia yetu. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Amen. Amen. C'est important de comprendre certaines choses. Ni ya muhimu kuelewa vitu vingine. Parfois on prie. Mara nyingine tunaomba. On prie. Tunaomba. Et si quelqu'un de la famille anaenda kuexpliquer ennemi, kama mtu wa jamaa kitoka kuwe la de, il se dit c'est ça même l'occasion pour lui. OK, c'est cinq filles, je ferme la parenthèse. Tu t'en funga le OK. Ça c'était pour que nous puissions nous repentir. Il pacha tutubu. Et que nous puissions arranger notre vie. Kutengeneza pia maisha yetu. Quand il s'agit de la famille. Wakati inakuwa kuhusu jama. Montrer l'unité. Muoneshe umoja. Montrer l'unité. Muoneshe umoja. Même si nous allons arranger avec et mon frère après. Kutengeneza na ndugu yangu kisha. Mais quand c'est la famille. Lakini wakati kama ni jama. Non, pas question tout ça combat. Kuna ile mambo. Et puis quand on a rodia. Une fois rentré. Tu nous fais envie. Pourquoi tu as fait ça? Non, je fais un avis. Non, faut pas encore faire. Nous arrangeons. Tu natengeneza. Mais si c'est devant l'ennemi. Nous avons un seul langage. Tunakuwa na msemo moja tu. Dans l'église. Mukanisa. dans le mariage, dans tout ce que nous pouvons faire, arrangeons à l'extérieur, soyons unis. C'est ça la maturité. Alléluia. Amen. C'est ça la maturité. Vous êtes à la chorale. Arrangé. À l'extérieur. Inje. Unis. Muko pamoja. Les mamans. Wa mama. JPC. Wa ujijana. Apana. Non. Jou. Pasona. Ouais. Non. Mukani ça y est tout. Dans notre église. Frère. Ou sœur. Ou data. Papa. Maman. Non, non. Apana. Non. Non. La loi disait qu'il fallait, il fallait donner l'héritage seulement aux garçons. Pas aux filles. Et dans ma Bible, le verset 27 de Nombre, on écrit la loi de l'héritage. C'est ça le titre. La loi de l'héritage. Ces filles se sont rendues compte que non, ce n'est pas normal. Cette loi qui s'applique, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Comme Zuri. Ça s'applique sur nous. La Bible dit, Biblia nasema, celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Ok, nous sommes des filles. Si, si, ni mabinti. Mais comment le même Dieu va faire une loi où il n'y a que les garçons qui vont hériter, pas les filles. Akuna wabinti. Non, apana, je refuse cette loi. Katai sheria. C'est la première fois. Ni mara ya kwanja. Moïse n'a pas prévu Musa asikutayarisha que les gens devaient refuser la loi. Kusema watu walipasha kukataa sheria. Bien-aimé, Dieu est notre législateur. Mungu ni mtunga sheria wetu. S'il y a des lois que tu n'acceptes pas dans ta vie, et pendant que je parle, il n'y a pas que ces filles-là, toi aussi, il y a des lois pour lesquelles tu n'es pas d'accord dans ta vie, dans ta famille. Tu vis des maladies et des maladies, des problèmes et des problèmes. On dit non, ce n'est pas possible. Ce problème ici, comme le père a eu le problème de diabète, toi aussi tu auras le problème de sucre, mais tu vas dire à Dieu, ce n'est pas juste. Seigneur, dans Ézéchiel au chapitre 18, tu dis ceci: les pères ont mangé des dents vertes, des fruits verts, et les dents des enfants sont agacés. Dieu dit, il n'aura plus question de dire ce proverbe en Israël: le père, l'âme du père est en moi, l'âme du fils est en moi. Tu dois refuser et vivre les problèmes causés par ton père. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Les filles ont dit non, Moïse. Où est notre héritage? Moïse leur dit, Musa kawambia, non, vous n'avez rien. Amuna na kitu. Parce que vous êtes des filles. Kwa mana mnakuwa mabinti. Mais c'est quelle loi? C'est ça la loi. Il dit non. Apana. Toutes les cinq. Wote watano. Moïse. Musa. Pourquoi notre père sera retranché du milieu kwa de la famille? Nini baba yetu atatoshwa katikati ya jamaa? Pourquoi tu fais ça? Kwa nini umefanya hivi? Pourquoi on va effacer son nom? Kwa nini tunaweza kujimisha jina yake? Frères et sœurs, faites attention. Tukuna dada kebeni ange. Il y a des lois. Kuna masheria qui effacent les noms de certaines yenye familles. Yenye inajimisha majina ya majamaa mengine. Si vous ne faites pas attention, kama amkebe ange, ton nom sera effacé. Jina yako itajimishwa. Et pendant que je parle, wakati niko nasema, je déclare, natangaza, si y a une loi, kama kuna sheria, tu veux effacer ton nom sur une liste qu'elle te parle, ce matin, j'annule cette loi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui établissent des lois. Kuna watu wamefanya masheria pour effacer les noms des autres kuzimisha majina wengine sur des listes kumakaratasi de mariage, yandoa, des cadeaux, il y a makado, des nominations, il y a kutawala, d'élévation, il y a kuinuliwa. Non, bien aimé, apana wapendwa. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tunakuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Bien aimé, nous sommes dans la maison de Dieu. Tunakuwa nyumbani mwa Mungu. Avec tous les sérieux. Moja tena noja si. Toute loi. Sheria yo effacer le nom d'un enfant de la source. Napenda kujimisha jina mtoto wa chemche. Sur quelque liste que ce soit. Aujourd'hui, Léo, cette loi est changée. Il est sheria mebadirishwa. Amen. Ils ont suivi Moïse. Wakafata Musa. Ils ont dit à Moïse, wakasema na Musa, nous ne sommes pas d'accord atuna pamoja na ile mambo avec cette loi. Na ile sheria. Moïse na shutuka. Alors, Moïse étonné. Moïse na shutuka. Moïse étonné. Moïse n'avait pas ça dans ma chambre. Il les avait pris comme des folles. Elle dit, nous sommes sérieuses. Apatou kondani ya jasili. Nous ne sommes pas d'accord. Atuna musawa. Donne-nous une possession. On refuse de manquer d'héritage. Frères et sœurs, il y a une loi qui t'a privé quelque chose. Qui t'a privé les enfants. Qui t'a privé la guérison. Qui t'a privé le travail. Aujourd'hui, non, ces fils sont extraordinaires. Malgré leur caractère, malgré leur divergence, Moïse, nous refusons aujourd'hui, Léo, même si ta loi à toi n'a rien prévu, nous nous réclamons notre héritage. Donne-nous notre héritage. Tu vis ce que tu vis. Parce que tu as accepté ce que tu vis. Kwa maana uliitika uishi vile. Tu vas mourir. Utakufwa. Chômeur. Mwa kukosa tuka. Licencié. Wasipoka. Très intelligent. Mwenye akili sana. Parce que toi-même. Kwa maana wewe mwenyewe. Tu as accepté. Uliitika. De ne pas avoir de travail. Kushindwa kazi. Tu vas mourir utakufa sans mariage bila kuoa parce que toi-même kwa maana wewe mwenyewe tu as accepté uliitika mu famille yetu dans notre famille ababa wako on le mari paka ba deuxième femme seulement les deuxième femme kazi yako tant pis tu as accepté cet héritage là de la famille il est urithi wa jamaa c'est ton problème ni mambo yako. Ces filles n'avaient pas de père. Awa binti hukukua na basi. Elles étaient orphelines. Walikuwa wayatima. Il y a des gens qui pensent que non, parce qu'on est orphelin. Kuna watu wanazania kama sisi tu wayatima. Qu'est-ce que nous allons faire? Abduk, utafanya je. Qu'est-ce que tu vas faire? Utabaki paka je. Comment tu vas rester? C'est pas une raison. Il est aina sababu. Le monde n'est pas un monde de pitié. Ulimwengu na ulimwengu ya huruma. Il y a des gens qui veulent avoir seulement une attitude pour sigiria buluma. Non, pour se faire avoir pitié. Frère, duk hakuna unatakushikiria buluma. Personne n'aura pitié de toi. Kama aina mungu. Si ce n'est que Dieu. Ata mungu bakupatia mukate paka mungu. Même si une personne peut te donner le pain, seulement si Dieu le touche. Non, apa. Ces filles sont extraordinaires. Awa bintu anakuwa mastajabu. Moïse, Musa, nous refusons. Tunakata ta loi. Ile sheria yako. Donne-nous notre possession dans le nom de notre Père. Et puis, Kisha, notre Père Baba yetu, n'a pas péché askutenda zambi. Avec Corée. Pamoja tena na Corée. Corée. Corée. Corée. Ce n'est pas la Corée du Nord. Aina tena Corée. Corée. Corée. Alléluia. Amen. Non. Apana. Même s'il a péché, il est mort de sa mort. Il est mort de son péché. Frères et sœurs, pourquoi toi tu vis? Tu veux vivre avec le péché de ton père? Non, tu m'aimes. Non, parce que c'est le sang. Sucre. Oh, le sucre. Comment il y a sucre? Un peu de sucre, une chumvi. Si c'est pas du sucre, c'est du sel. Sucre ni diabète, chumvi ni hypertension. Hypertension. Pourquoi vous êtes... Tu as nini mou connaît-tu? Non. Apana. Aujourd'hui là. Léo apa. La table est là. Meza iko hapa. Faut refuser. Naomba kukata. Moïse a noté que mambo na mupitia. Moïse a constaté que les choses sont devenues tellement dures. Ça le dépasse. Et na mupitia. Ça le dépasse. Lui a moins dépassé. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que lui ne sait pas résoudre mon problème que mon problème n'a pas de solution. Mambo yangu ana natibwa pa. Que je dois m'arrêter. Ya kusema mimi naweza kusimamia pale. C'est pas parce que le pasteur ne sait pas résoudre ton problème. Ana kusema tu pasteur atashindwa kumaliza mambo yangu. C'est pas parce que ton mari ne sait pas résoudre ton problème. Aina tu mume wako atakosa maliza tatizo yako. Frère, si tu acceptes, donc comme on éthique, c'est ton problème, ni mambo yako. Rachel va suivre Jacob. Rachel anapasha kufuata Yakobo. Il dit à Jacob. Anasema na Yakobo. Et dit quoi Jacob? Anasema nini? Donne-moi un fils. Unipatie mwana. Ou je meurs. Au nifariki. Donne-moi un fils. Unipatie mwana. Ou bien, ah, je meurs. Elle va dire à son mari. Le mari lui dit, tu as oublié. Quand un problème me dépasse, il y a quelqu'un qui a une solution. Le mari lui dit, suis-je à la place de Dieu? Ah, j'aime Jacob. Quelqu'un peut te dire ça. Tout comme il ne va pas te dire. Mais c'est à toi de refuser certaines choses. Même cette femme de Sunem. Il dit non. Mes enfants. Ils vont partir dans la dette. Mon enfant il sera pris dans la sorcellerie. Dans de mauvaises choses. Parce que je manque de l'argent pour lui mettre aux études. Or, mon mari avait servi Dieu. Or, il y a une loi qui dit, si tu, celui qui me sert, mon père l'honorera. Frère, il y a des choses que tu subis dans la vie. Soit tu ne connais pas la loi. Il a Dieu et Sharia. Soit oh, tu acceptes. On a étiqueté à tout. Je ne sais pas si c'est une loi. Est-ce qu'il y a un avocat ici? Et tu un maître. Je crois que si ma mémoire est bonne, Kamatena, je l'espère. Na à l'époque, il y avait une loi en République du Zaïre. Ou bien c'est la loi Bakajika. Quelqu'un peut m'aider. Que, qui disait que nul n'est censé ignorer la loi. Vous connaissez mais cette loi? C'est une loi. Sharia. Ni sharia. C'est quelle loi? C'est Bakajika ou quelque chose? Nigeria Kanile. Oui, maître. C'est un principe. Hein? Merci beaucoup. Dieu. C'est un principe. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si tu ignores la loi, c'est ta faute. Donc, comment on va faire? Oh, banini rimba, je me suis joué. Tant pis. Mais comme on a joué, si tu sais au moins, ou d'assez, il n'y a pas. Tu diras non, pas ça. La loi ne dit pas ça. Chérie, aïe, c'est donc, ni n'est censé ignorer la loi. On n'a pas chaque poussée à chérie. Mon mari a servi Dieu. Mais aujourd'hui, mes enfants seront privés de tout. Et ils seront pris dans la dette. Élisée a compris que la femme avait raison. Le verset 7. Mettez un peu le verset 7. Quand Moïse est parti dire à Dieu. Toujours nombre 27. Mettez le verset 7. Regardez ce que Dieu a dit. Ça c'est Dieu qui dit que ses filles ont raison. Moïse m'a attiré Moïse aux oreilles. Moïse, Moussa, toi tu n'as pas prévu. Mais moi Dieu, je dis que ces filles ont raison. Aujourd'hui, Dieu dit, tu as raison de réclamer ton héritage. Et ton héritage, tu vas le recevoir. Tu as raison. La loi ne peut pas te bloquer. Ces filles ont raison. J'ai raison de vivre en bonne santé. J'ai raison d'être élevé. J'ai raison de réclamer. Tu as raison. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas Moïse. Aïna Moussa. Dieu dit à Moïse. Mungu anasema na Musa. Moïse c'est Musa ni. C'est la personne qui avait le loi. Le livre de loi. Oh Banduku. Bien aimé. Léo. Aujourd'hui. Kuko bile Mungu atongeza mu kitabu. Il y a des choses que Dieu va ajouter dans ton livre. Kuko bile Mungu atongeza mu kitabu. Il y a des choses que Dieu va ajouter dans ton livre. Pour la vie de ta femme. Kuko bile Mungu atongeza mu kitabu. Il y a des choses que Dieu ajoutera pour tes enfants. Anamwambia Moïse. Il a dit à Moïse. Moïse. Moïse. Ses filles. Awa wabinti. Ses filles de Tseruta. Awa wabinti. Ont raison. Wana sababu. Elles ont raison. Wana kuwa na sababu. Elles ont raison. Wana kuwa na sababu. Comme pour dire. Kwa kusema. Ce qu'elles sont demandées, c'est légitime. D'abord, c'est légitime. Bon, je ne sais pas, tu vas l'aider à interpréter, vous comprenez? D'abord, c'est légitime. Et ensuite, ça devient légal. Légitime, c'est-à-dire, elles ont raison. Légal. Légal. On a fait une loi. On a weka sheria. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui est légal, c'est ce qui est couché sous forme de loi. D'ordonnance. Et Dieu dit, désormais, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les filles se sont rappelées des promesses de leur grand-père Manassé. Ya babuzao Manassé. La loi de Moïse Sheria ya Musa n'en avait pas considéré. Aikuanja tena kuwaona. Et Dieu a créé na Mungu alifanya une jurisprudence. Ok. Dio. Maître, c'est quoi une jurisprudence? Expliquez-nous en français. Facile. Faransa. Facile. Faransa et plus. Maintenant, Dieu qui donne la décision, ça devient une jurisprudence que désormais. Mais ça va commencer désormais à s'appliquer. Voilà. Dio. Donc, il y a une loi. Kuna kuwa sheria, quelque chose que la loi n'a pas prévu. Mais Dieu lakini Mungu demande qu'on commence à l'appliquer. Aka omba kwanja kuitumikia, même si la loi n'a pas prévu. Ata kama sheria haikutengenezwa. Ah, ça j'aime. Iyo naipenda. Là où le monde n'a rien prévu pour Fazi toi. Watu hawakutengeneza Dieu a prévu. Mungu ametengeneza. Là où ta famille n'a rien prévu pour toi. Kutengeneza Dieu a prévu. Mungu amesha là où on n'a pas prévu pour toi. Dieu a prévu. Mungu amesha là où on n'a rien prévu pour ta vie. Dieu a prévu. Mungu yeye amesha tengeneza. Oh bien aimé. Aujourd'hui, c'est un dimanche de jurisprudence divine. Dieu a prévu ce que les hommes n'ont pas prévu. Dieu a prévu ce que n'a pas prévu pour ma tribu. Dieu a prévu ce que Moïse n'a pas prévu. Dieu a prévu ce que le Parlement n'a pas prévu. Dieu a prévu ce que les anciens n'ont pas prévu. Alléluia. Amen. Où t'as dit ça mon médecine? Va terminer dans la médecine. Mais Dieu va te mettre de devenir un 2G ou accompagner aviation. De compagnie d'aviation. Dieu a des problèmes. Hey! Oh! C'est possible. Binaweze kana kwa Mungu. C'est possible. C'est possible à Dieu. Léo. Aujourd'hui. Mungu a créé que jurisprudence par ma Isaïe. Que Dieu crée des jurisprudences dans ta vie. Amen. Famille entrée tellement de souffrir. Tes frères n'ont pas prévu cela. Que dans cette famille, celui-ci ou celle-là, mais Dieu, Léo, aujourd'hui, a ta créé jurisprudence. Il va créer des jurisprudences. À partir Yako. Au travers de toi. Donc, parfois, il y a un jugement, c'est ça la jurisprudence. Après, demande à Ababa fille. Qui chama ombi de ses filles. Dieu dit, Mungu kasema, désormais, tokeya sasa, même si quelqu'un n'a pas mis de garçon au monde, atakama mutu asikuza watoto wa kiume kudunia, les filles vont hériter. Wabinti wana rusa ya oriti. Point. Kuna faites ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de l'héritage, oriti, vous donnez aux filles. Muna kabula na mabinti na. Les hommes n'ont pas prévu. Watu wa kutengeneza ile. Dieu a prévu. Lakini Mungu yeye alitengeneza. Alors, mu maisha yako. Alors, dans ta vie. Bien aimé. Mupendwa. Il y a des choses que Dieu veut kuna faire. Bintu byenye Mungu anapenda kufanya. Il y a des choses que Dieu veut kuna faire. Bintu byenye Mungu anapenda kufanya. Ne marche pas. Lakini usitembe. Suivant les lois des hommes. Kufatana na makanuni ya watu. N'accepte pas. Usitike. Toutes ces lois. Ile masheria. Alors, je vais donner quelques leçons. Taleta tena usomi chache. Pour que nous puissions prier. Kwa ajili tupate kuomba. J'ai retenu quatre leçons. Je saute tous les restes. Na luka yote mibaki. Je vais y revenir peut-être mercredi. Tarudiria mara nyingine mkasa. Le temps. Wakati, le temps est passé. Wakati mesonga. So, parfois, on est lié à beaucoup de lois. Mara ingine kuna kwa masheria mingi. Vous savez, unajua, Caleb, ndio. Dans la Bible. Ndani ya Biblia. Il avait la promesse de Dieu. Alikuwa na ahadi ya Mungu. Lui et Moïse. Yeye pamoja na Musa. Il a reçu l'héritage. Mais il avait une fille. Bien compliqué. Ça lui a tellement compliqué. Alors il a fait marier sa fille. Pour qu'elle ait l'héritage à partir. Pour prendre l'héritage et donner à son bon. Mais en fait, il a l'héritage à Mototo. Il connaît pour son enfant. Il lui a donné les sources supérieures. Je crois que c'est dans Josué chapitre 18. Il lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Mais ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a d'autres personnes. Tu n'avais rien. Juste parce que tu t'es marié. Loi il a changé. Il y a la loi qui vient de changer. Loi il a changé. La loi vient de changer. Loi a changé. La loi vient de changer totalement. Loi a changé. La loi vient de changer. Ah, je comprends une chose aussi. Na elewa kintu kimoya. Na pako anako. Même avant de marier. Musho kiwewe wewe. Faut pas marier juste pour marier. Kiwewe oya. Kiwewe wewe. Kiwewe wewe. C'est important. Ni ya muhimu. C'est important. Iyo ni ya muhimu zaidi. Ça paraît comme ça. Inaonekana hivi. Moi je suis père, vous dites c'est important. Baba anaweza kumionyesha ni ya muhimu. Vous n'avez pas qualité manjimu ya bampanya. Vous allez non, pas ça. Apana. Pas ça. C'est important. Ni ya muhimu zaidi. Quatre leçons. Baba si tena funzo tatu ine. On note les quatre leçons et on prie. Tunabeba ima funzo ine na tunaomba. Première leçon. Funzo ya kwanza. Elles ont refusé de vivre une loi qui les privait de leur loi légitime accordée à Manassé. Walikatala chini ya sheria ile ilikuwa inawazuiza kuishi urithi wa Manassé. Première leçon aujourd'hui. Ufunzo wa kwanza leo. Tu dois refuser. Unapasha kukatala. Toute loi. Sheria yote. Qui te prive de tes droits légitimes que Dieu t'a donné. Kuma waki wako yenye Mungu amekupatia. Toute loi qui voudra arracher ce que Dieu t'a donné. Tu dois la refuser. Deuxième leçon. Refuser de vivre une loi qui hypothèque ton avenir. Qui hypothèque ton avenir. Na kuwa tena na beba ujio wako. Pa ujio. Qui hypothèque. Inakuwa na ujisha kesho yako. Ok, prenons ça comme ça. Qui protège ton avenir. Ou bien qui met en danger. Si oh, je dois être... Troisième leçon. Refusez toute loi qui efface la mémoire de votre famille et de votre père. Inazimisha kumbusho ya jamaa au ya baba zenu. Kama unaanza kuangalia maisha yako, que hii que ça joku wa famille. C'est ça même. Ah, Léo, aujourd'hui tu ne te lèves pas. Frère, c'est que tu as des problèmes. Quatrièmement, refusez toute loi que tu jugeras injuste pour toi. Que tu jugeras injuste. Non, non. Que tu jugeras toi-même injuste envers toi. Parfois, on a seulement tout Swahili et tout. Notre Swahili ici. Il y a Mukasongo Michel. On va se comprendre. Parce que parfois, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Swahili et Mukasongo Michel, tout ce qu'ils ont à tout Mouzouri. C'est ça, non? Dio. Quand on dit tu dois refuser toute loi qui hypothèque ton avenir. On a pas chaque katala ma chérie yote ni une akunyanganya ou kesho yako. Voilà. Dio. Là on se comprend. Vale, tu sinon ça devient très compliqué. Vile, tu dois refuser toute loi qui efface la mémoire de votre famille ou de votre père. Kukatala ma chérie yote ni na jimisha jina ya jama au tena ya babaze. Et tu dois refuser toute loi que tu trouves injuste envers toi et envers votre femme. Ina kukataa masheria yote yenye unaona kama haina usawa mbele ya famille au mbele yako. OK. Dio. C'est clair? Quatre leçons. Ufunzo tatu. J'ai bien compris. Nilipenda tuombe. Dieu leur a dit ceci. Mungu akawaambia hivi. Elles ont raison. Wanakuwa na sababu. J'aime la réaction de Dieu. Napenda kutenda. La réaction de Dieu. Sema kwa Mungu. Nous avons raison. Tuna sababu. Frère, Duk, ce matin, yale, tu as raison. Una sababu. Alléluia. Amen. Tu as raison. Una sababu. Tu as raison. Una sababu. Tu as raison. Una sababu. Nous nous tenons debout. Tunasimama juu. Tu commences à monter. Emmanuel est là, ici présent. Tunaanza kupanda. Quatre points. Manuta ine. Nous allons prier. Tout à omba. Et puis nous allons passer à la table. Kisha tapita kumeza. Je dis que c'est un dimanche de jurisprudence divine. Ya kutungwa kwa bitu bipya wa kimungu. Sois concentré maintenant. Kuandani ojasili. Ton cœur attaché. Moyo wako yenye kuambatanisha. On nous a donné un principe que nul n'est censé. Bana tupatia sheria kusema hakuna mtu anaweza. Ignorer la loi. Kupuzia sheria. Première leçon. Somi wa kwanja. Refuser dans la vie. Kukatala mumaisha. Toute loi. Sheria yote. Qui te prive de tes droits légitimes. Inakuzuizwa kuma she kuma rusa yako. Accordé par la parole de Dieu. Yenye unapata kupitia neno ya Mungu. Tu as des droits. Unakuwa na marusa. Que la parole de Dieu t'accorde. Yenye neno ya Mungu imekupatia. Mais les circonstances et les lois de la vie. Lakini majira na masheria ya maisha. Sont en train de te priver de ces droits. Inakuwa na kuzuiza kuile marusa. Crois au Seigneur Jésus. Aminia bwa. Tu seras sauvé toi et ta famille. Utakombolewa wewe na chama yako. Mais dans ta famille. Na chama yako. Yako des problèmes. Kuna kuya mamambo. Je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. La prospère. Mais tu as une mauvaise santé. Oh, ce matin, tu vas refuser toutes les lois ma chérie ayote qui te prive de tes droits légitimes accordés par la parole de Dieu. Lève ta main droite. Prie avec moi. Père, ce matin, au nom de Jésus, je refuse toute loi contraire à ta parole dans ma vie, je refuse toute loi contraire à ta parole contraire à tes promesses au nom de Jésus. Je te bénisse. Tu pries bien. Lève ta main droite. Deuxième sujet de prière. Tu vas refuser. Les filles de Seruja. Elles ont refusé. Elles n'ont pas regardé non Moïse. Eliezer. Les anciens. Pas question. Non, Apana. Cette loi, il est chérie. Elle est dangereuse pour notre avenir. Frères et sœurs, Dukunadada, il y a des lois Kukoma sheria, qui sont en train d'hypothéquer ton avenir. Inakua tena no jisha kesho yako. Kukosa makuta ya kuripia batoto masomo leo, c'est dangereux pour l'avenir de tes enfants. Ya batoto yako. Et même les enfants, quand vous êtes là, vous devez vous révolter. Mona pasha kushirika. Pourquoi tu acceptes de vivre sous cette loi? Toute loi sheria yote qui protège ton avenir. Inakono jisha kesho yako. Même si les gens vont t'accuser. Atakama batu batakutaki. C'est un dimanche de jurisprudence. Mituma ya kutiliwa upya wa masheria. Aujourd'hui tu vas refuser. Leo utakatala. Il t'a hypothéqué ndoa yako. Banaujisha bukweri. Il t'a hypothéqué batoto yako. Question de hypothéquer tes enfants. Joma bulozi. C'est ça des sorciers. Ma malédiction. Les malédictions. Bien-aimé. J'aimerais que aujourd'hui là. Léo apa. Ce n'est pas dans la quantité, c'est dans la foi. Aina muwingi lakini ni ndani ya imani. Tu vas refuser cette loi. Utakatale le. Lève ta main. Nyanyua mkono. Déclare avec moi. Tangaza na mie. Père. Ce matin, au nom de Jésus, je refuse toutes les lois de la terre, du ciel, de malédiction qui bloque mon avenir, je le refuse, au nom de Jésus, je commence à prier. Claque la main, prie au nom de Jésus. Non, maman, tu n'as pas de dérange, mon ami. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Utina la Yesu. Au nom de Jésus. Utina la Yesu. Au nom de Jésus. Utina la Yesu. Au nom de Jésus. Utina la Yesu. Toi qui n'as pas l'argent pour payer le Minerva. Oh Jésus. Toi pour qui les parents sont malades. Prie pour tes parents. Oh, Ça va déranger l'avenir. Le parent qui travaille, quand le travail s'arrête, prie pour ça. Ça va déranger l'avenir. Il y a des maladies qui dérangent l'avenir de la famille, qui dérangent l'avenir des enfants. Ce matin, prie. Lève ta main. Tu diras Buana Yesu. Buana Yesu. Parle avec foi et assurance. Sema na imani na kikisho. Buana Yesu. Buana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mina katala. Kwa maisha yangu. Kwa maisha yangu. Kwa maisha ya watoto yangu. Kwa maisha ya watoto yangu. Mukizazi kietu. Mukizazi kietu. Lua yote. Lua yote. Ya kuzimisha. Ya kuzimisha. Jina ya familia. Jina ya familia. Jina ya kizazi. Jina ya kizazi. Mina katala. Mina katala. Jina ya familia. Jina ya familia. Ipa kizazi kieni. Yende kumbele. Yende kumbele. Ono de. Je. Ono de. Je. Comment ça prie? Aja kuomba. Omba tu ya jina kizazi. Jina ya kizazi. Jina ya baba yako. Jina ya papa yako. Jina ya kizazi. Oh prie. Omba. Omba. Demain. Omba. On prendra le nom de ton père. Tu n'as pas papa. Ce n'est pas parce qu'il est bon. Aïe, n'a toi chaque jour. On va pas le connaître. Y'a cousé, maïsta, il est ton père. Oh Dieu, n'a pas ton père. Et ton papa, y'a aujourd'hui. Le prix. Mais dans le nom de mon père. Sois connu. Oh Alikassi. Dieu de moi. Attenda. Dieu de moi. Père de Seigneur. Dieu de moi. Au nom de Jésus. Dieu de moi. Au nom de Jésus. Tu n'as la yos. Mais c'est très important. C'est très important. Je vous dis la vérité. Si on ne connaît pas ton père, c'est ta faute. Comment est-ce que tu ne peux pas connaître ton père? Pourquoi tu laisses le nom de ton père être effacé? Isaac, on savait que c'est le fils d'Abraham. Même Abimelech savait que Isaac était le fils d'Abraham. Jacob, on savait que c'est le fils d'Isaac. Joseph, Youssouf, Pharaon, Assur, Anaï, que c'est le fils de Jacob. Aujourd'hui, Israël, Léo Israël, nous savons que ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Ton nom, le nom de ton père sera effacé. À chaque fois, ce n'est pas une raison. Il est mort, il a un sababu. David est en train de courir vers Goliath. Saül appelle Abner. Abner vient. De qui est-il fils? Abner répond. Abner répond. En tout cas, je ne le sais pas. Si tu es, mais il doit être le fils d'Isaïe. La kini en a pas chaque fois le Bethlehemite. Ou le Tenamutilemite. Frère, donc, tu as l'obligation d'honorer la mémoire de ton père. Et Shimu Dinaya Babayako. Même pas un jour, on a. Nimutoto. C'est l'enfant. Wafulani. De tel. Il est mort, mais honore-le. Et chaque fois qu'il nous mouchimiche. Aujourd'hui, le. Il y a des gens qui sont morts. Kuko watu wa meshafari. Mais nous connaissons leur père. Lakini tunajua mababa zao. Pourquoi on connaît le nom du père de Trump? Dia nini tunajua jina baba yake ya Trump? Pourquoi on ne connaîtra pas le nom de ton père? Dia tu ta jua jina ya baba yako. qu'il soit biologique, qu'il soit spirituel. Qui est ton père? Non, c'est le fils de tel prophète. C'est à toi de faire connaître le nom de ton père. Tu connais le nom de ton père. Fais tout. Dans la vie, un jour je tiens devant, on dit, ah, c'est le fils de. Même là où il est, parce qu'il voit, même si il est dans le feu, au moins il aura un moment de joie. Quatrième sujet de prière. Tu vas refuser dans ta vie toutes les lois que tu trouves que sont injustes envers toi. Balakulandi amambo. On a menti contre toi. Balakutupia malaria mikulu. On t'a jeté un sort. On t'a jeté un sort. Balakutupia malaria fulani. Tout ce que tu trouves injuste. Yote ile unaona kama ina sawa. Comme ces filles. Kama awa wabiti. Entre non, Moïse, cette loi n'est pas juste envers nous. Hii sheria haina uhaki mbele yetu. Oh, bien-aimé. Wapendwa. Tu travailles. Unatumika. Tu sais, parfois tu peux changer l'atmosphère de ton travail. Ça, marangino naweza badirisha ngaewa ya kazi yako. Il y a des endroits baja kuchukia pour rien. D'autres endroits t'as déjà haï pour rien. Aujourd'hui. Leo. Toute loi qui est injuste. Sheria yote ile ina muwaki. Que tu connais injuste dans ta vie. Le tout natu kusema hii haina muwaki maisha yangu. J'aimerais que tu pries. Miripenda uombe. Et que tu l'annules. Na uiangushe. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un cantique qui dit. Kuko mwimbo nasema. Wabu komo bon soja. Oui, vas-y. Ele. Voilà, il est le tout puissant, c'est ça. Dieu mwenye uwezo yote. Dieu est le tout puissant. Wabu komo bon. Mungu mwenye uwezo yote. Oh, maintenant tu vas prier. Sasa utaomba. Il y a des choses que je trouve injustes dans ma vie. Tu as fait du bien à quelqu'un. Mais il te rend le mal. Tu as travaillé. Mais tu n'as pas les résultats. Tu as prié. Mais ils n'ont pas changé. Toutes ces choses injustes. Ce matin, je veux que tu les refuses. Et le Dieu qui est présent. Ce matin, d'accord avec toi. Oh, à quoi papa pour refuser ces choses? Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va commencer à prier. Anza kuomba. Yani wasa prier. Anza kuomba. Commence à prier. Anza kuomba. Oh, alléluia. Elle me prie. Omba. Alléluia. Wabu komo bon sang. Il est puissant. Et comme un oiseau. Tu es puissant. Comme un oiseau. Tu es puissant. Comme un oiseau. Pour changer les lois. Je suis un homme imposé. Imposé sur ma vie. Les lois de la maladie. Les lois de décès. Les lois de la mort. Les lois. Yeah, yeah, yeah, yeah. s'asseoir dans un type de prière. Nous voulons bénir la table directement. Dans une attitude de prière. Parce que c'est un dimanche spécial. Romains chapitre 8 verset 29. Wa Roma sura ya 8 verset 29. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance. Mana wanye walimjua tokia. Dieu reste en avance. Mungu yeye anabaki atumwanya na kuwa mbele. Jamais en retard. Kamwe kuwa nyuma. Ce matin quand j'ai lu ce verset, asubuhi wakati nilisoma hii verse, pour la table j'ai dit Seigneur. Kwa ajili ya meza nikasema Bwana. Merci. Asante. La table, meza, Dieu l'a préparée en avance il y a 2000 ans. Mungu alitengeneza tokea mwanzo. Il savait, alijua, que tu en auras besoin. Yakusema utailazimisha. Je comprends aussi une chose. Naelewa kintu kimoya. Dieu ne marche jamais à ta vitesse. Mungu asifikilie kufatana na waraka. Il est en avance. Anakuwa mbele. Quand il a fini de parcourir le chemin, wakati anamaliza kuweka njia, il te laisse maintenant toi avancer sur le chemin. Anakuacha kusonga ndani ya njia. Ce jour-là, il est siku. Quand il a dit amener le poisson, kasema mulete ale masamaki. Et pensait que Jésus devait griller les poissons qu'ils amenaient. Bali waza kusema Yesu atakalanga ile samaki. Ils ont trouvé le pain et le poisson déjà préparé, Jésus leur a donné. Wakakuta mkate na samaki. Il est en avance. Anakuwa mbele. Dieu est en avance. Mungu anakuwa mwako. Il a une avance. Anakuwa na mbele. Il est en avance. Anakuwa kumbele ya maisha. Et aujourd'hui avec la table. Na leo pamoja na meza. C'est une garantie. Inakuwa tena kionyesho. Que tout ce que tu viens de demander tantôt là en prière. Yote yenye unatoka kuomba sasa hivi mu maombi. Dieu était déjà en avance. Mungu alikuwa mbele. Toutes les lois injustes. Masheria yote yenye na sawa. Tombe. Inaanguka. La mémoire de ta famille. Kumbusho ya jamaa yako. Ne mourra pas. Haiwezi kufariki. Tes droits. Marusa yako. Ne te seront pas arrachés. Aita nyanganyiwa. Ton avenir. Kesho yako. Ne sera pas hypothéqué. Aita ujishiwa. Car kwa mana, ceux qu'il a connus d'avance. Wenye walimjua tokea mwanzo. Comme il était en avance. Vile alikuwa mwanzo zama. Il a prédestiné. Akawatangulisha. Mungu. Que Dieu, kupitia meza hii, au travers la table, akwe en avance, qu'il soit en avance, mu maisha ya tanta. Hata mu 2026, Mungu akwe en avance. Que Dieu soit en avance. Bientôt octobre, Mungu akwe en avance. Que Dieu soit en avance. Semaine tu kunaza, la semaine que nous allons commencer, que Dieu soit en avance. Jamais en retard. Kamwe nyuma ya wakati. Nous allons bénir la table. Les anciens et les diacres peuvent s'approcher. Nous voulons bénir cette table. Nous voulons bénir la table. Nous voulons monter. C'est le temps d'adoration. Parce que maintenant, nous rappelons à Dieu qui nous a connus d'avance. Moi. Seigneur, merci. Buona accent. Tu étais en avance. Ikuwa mwanzo. de tous nos problèmes. Quand tu mourais ce jour-là à la croix, le voile a été déchiré. Tu as dit, ceci est mon corps et mon sang. Toutes les fois que vous boirez ce coup et que vous mangerez ce pain, vous commémorez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et tu nous as donné ça comme une arme. Parce que tu savais les jours qui allaient venir dans notre vie. C'est pourquoi je prie pour cette table. Je sanctifie la table. Je sanctifie la table. Ce pain, ce vin et vigno, de nourriture qui vont confirmer ton corps et ton sang, c'est ta loi qui va s'appliquer maintenant. Aujourd'hui, Léo, il y a des gens qui sont privés des droits. Il y a des gens qui ont des avenirs hypothéqués. Il y a des gens, la mémoire de leur famille, de leur père est effacée. Il y a des gens qui vivent des lois injustes. Fais-le. En leur faveur. Dis, ils ont raison. Et accomplis cela. Accomplis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes en prière. La table va passer. Et tu entres en prière. La chorale monte. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Et que le Dieu na Mungu, que nous avons prêché aujourd'hui mwenye tunahubiria leo, puisse faire grâce. Afanye nema. Je voulais recevoir tous ceux-là qui ont été baptisés. Et que c'est la première fois qu'ils vont partager la table. On les a déjà reçus dans l'église. Si vous êtes là, c'est votre première fois. Il y a plusieurs listes, je n'ai pas. Est-ce que vous pouvez vous approcher ici devant? Je vais vous servir. Tous ceux qui ont été baptisés. avant la campagne et depuis la campagne. Mbele ya campagne na kisha campagne. Est-ce qu'on peut les encourager? Et tu naweza chapa kofi. Mettez-vous ici. Si vous êtes là dans la salle, approchez-vous. Gama muko hapo. Chofe. Approchez-vous. Mukaribieni. Si c'est votre première fois, approchez-vous. Kama ni mala yenu ya kwanza, mukaribie. N'ayez pas honte, approchez-vous. C'est la aya, mukaribie tu. Même si la famille a des traits différents, mais nous sommes les mêmes. Atakama on encourage les gens. On encourage les gens. Ok, nous sommes dans la joie. Ils vont partager et manger leur première table aujourd'hui. Et je voulais les servir moi-même. Et pour le reste, la table va passer. Restons en prière. Change ta vie aujourd'hui. Change ta vie. Depuis lors, ces cinq filles. Ogla, Milka, Tristissa, Trissa, chacune a changé sa vie. Donc ça dépend de toi aujourd'hui. Noah a changé sa vie. Noah pia naye alibadilisha. Toi aussi tu peux changer ta vie. Unaweza kubadilisha maisha. Tu peux changer ta vie aujourd'hui. Unaweza kubadilisha maisha. Alors la chorale aide nous sommes dans une attitude de prière. Tukomo ali ya maombi. Pendant que la table passe. Wakati meza iko napita. Jésus. Satana, na yango, na yango, na yango, tell us. ebele ya bato kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe ebele ya bato kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasinga yebi kati na mokili oyo ezalise na moto moko oya kufela kinga na yango na yango yango tele tinga na yemba na ina koyembela yo Oh, il est merveilleux. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu as raison. Quand tu refuses toutes les lois que tu trouves mauvaises sur ta vie, tu as raison. Et il dit, ça sera désormais une loi et un droit pour toute ta famille. Tu es en train d'arracher des choses pour ta famille. Jésus. Macho yangu. Nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Jua ni kwake Bwana. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons passer aux offrandes avec l'accompagnement de la chorale. Nous allons offrir avec amour, selon ce que Dieu a mis à cœur. Nous allons offrir avec la chorale. Wahamanati, yeah, wahamanati, oh, wahamanati, siabonga. Wahamanati, oh, wahamanati, yeah, wahamanati, siabonga. Itimina wahamanati, wahamanati, oh, wahamanati, oh, wahamanati, siabonga. Tembeya nasi, tembeya nasi, tembeya nasi, tembeya nasi, righteous. Siabonga Jesu. Siabonga honyama Jesu. Siabonga Jesu. Swahili. Siabonga. Asante Jesu. Simayona. Asante Simayona. Simayona. Asante Jesu. Asante. Asante. Asante Jesu. Simayona. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour notre Dieu? Je crois bien que c'est de cette façon qu'il faut louer le Seigneur. Nous pouvons encore bien acclamer pour notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous passons au communiqué. Demain, lundi, de lundi à vendredi, de 6h jusqu'à 7h, chaque matin ici chez nous, nous avons prière matinale. Kilasiku, de lundi à vendredi, nasa à 6h, kufika 7h, tunakwakana 1h du temps, ya prière matinale. Il est demandé à tous les bien-aimés, frères et sœurs, ya kupita asubuhi pa kanisa kuomba avant ya kwanza ma journée yetu. Na lundi na saa ya 16h30 jusqu'à 18h, nous avons rencontre des secteurs et chaque secteur inajua fazile banakuwa banakusanika. Quartier Zout banakuya kwa papa Olivier. Quartier USS na SNCC be onakusanika papa kanisa. Quartier mission 2 be kwa papa Jules Nyembo côté Chitourou. Na quartier mission 1 be kwa maman Fifi. Que Dieu nous bénisse. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement et prière à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Jeudi, il y a culte des mamans qui commence à partir de 15h. Les mamans de 15h jusqu'à 17h. Et le vendredi, nous avons notre culte de jeûne et prière dénommé Vendredi Chini. Tukunanzana saya 16h30 na Malizikana 18h30. Samedi matin, nous avons intercession de 7h30 jusqu'à 8h30. Et 9h, nous avons évangélisation. À 15h, nous avons éducation chrétienne. Dimanche, comme aujourd'hui, notre culte débute à partir de 8h avec l'intercession d'ensemble des serviteurs et servantes. Et à 8h30 jusqu'à 11h, voire 12h, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Après-midi, de 15h à 17h, les jeunes ont leur culte de la jeunesse pour Christ. Pour les autres communiqués et nécrologies, nous invitons papa. Pendant qu'il s'avance, nous pouvons acclamer. Alléluia. Amen. Il est demandé à toutes les mamans présentes de rester à la fin du culte pour un message. Donc les mamans peuvent rester avec leurs responsables. Deuxièmement, je veux encourager les bien-aimés de l'éducation chrétienne pour le travail qu'ils font chez la sœur Jolie qui a perdu son fils. On n'a pas donné le programme d'entraînement, mais j'ai cru entendre que l'entraînement c'est demain. Demain. C'est demain. Le corps est où? Morgue? à la morgue de Panda. Ok, vraiment, je félicite les gens de l'Église chrétienne. Allez-y. Apportons la consolation à notre bien-aimé pour ce moment difficile qu'il traverse. Le frère Othniel aussi a perdu son père. Le corps est à la morgue SNCC. L'enterrement aura lieu demain au sapin 2. Le 2 est observé à l'UCS à côté de l'église Bethesda. Le diacre avenue Pakwanga. Ok, l'avenue Pakwanga. Avenue Pakwanga. Donc, soyons là pour encourager nos bien-aimés. Maman Béatrice est toujours malade à la maison. Maman Béatrice ne m'gondja kunyumba. Passons la voir, l'encourager aussi. Tupite kwa kumuona na kumutilia kiasi. La fortifier. Kumutilia nguvu. Mardi à 17h, c'est l'équipe d'intercession, les intercesseurs. Mardi na 17h ni kikosi kya waombaji. Se réunissent le mardi. Anakusanika mardi. Pour la prière. Nous avons deux anniversaires. Tunakuwa na karamu mbili ya uzaliwa. Mama Bea Lukusa. Est-ce qu'on peut l'encourager? Eti tunaweza shangilia juu yake. Oui. Est-ce qu'on peut l'encourager? Aujourd'hui c'est son anniversaire. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, maman. Vous allez quoi, vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Ma fille aussi, Micheline. Tu m'as pas dit. Oh, son anniversaire, on peut l'encourager. Joyeux anniversaire, tu n'as pas dit la guerre. Là aussi c'est ton anniversaire. On n'a peut-être pas donné ton nom. Approche-toi. Nous allons prier pour toi. Ok, nous allons prier pour nos deux bien-aimés. Que le Seigneur les bénisse et que Dieu soit avec eux. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Baba tunasema asante. Pour ce jour d'anniversaire. Kwa hii makaramu ya uzaliwa. Je bénis Mama Bea et je bénis. Nabariki Mama Bea. Qu'elle commence une nouvelle dimension dans sa vie. Ange atua mpya. Je prie pour Micheline aussi. Naomba juu ya dada Micheline. Seigneur, que tes faveurs reposent sur elle. Awe na mafadhili tena yao. Que les jours qui viennent. Na masiku ijayo. Qu'elle voit la différence. Aone tofauti. Nous refusons qu'elle vive des lois. Tunakatala waishi masheria. Ne sont pas à leur faveur. Yenye haina kufadhili zao. Nous les bénissons. Tunawabariki. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On va encourager Kabisa. On va les encourager. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut les encourager. Nous annonçons aussi que le centre hospitalier Rukat commence les consultations gratuites en dermatologie. Il y a un dermatologue qui viendra à partir du 10, 11 de Lubumbashi, et il va commencer à consulter gratuitement les problèmes de peau. Alors, ceux qui ont des problèmes peuvent passer au centre Rukat à partir du 10 octobre à 9h. Sur route Kakontwe, avant le petit pont. Mbele ya kilalo. Voilà le communiqué. Ile na kwa je voulais aussi demander aux bien-aimés de Kikula et Lani. S'ils sont là, ils peuvent lever la main. Kama wanduku wa Kikula, les bien-aimés qui habitent Kikula, wale wanikala ku Kikula et qui habitent Lanish. Na kulanish. Kikula et Lanish. Kikula na Lanish. Je veux juste voir vos mains. Napenda tuko na mikono yenu. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, à la fin du culte, mwisho ya ibada, vous allez rester avec moi. Mutabakia na mie. Vous allez rester avec moi. Nous allons parler ensemble. J'aimerais commencer un secteur du côté Kikula et Lanish. Donc nous allons rester ici et parler avec moi pour que nous puissions voir ensemble ce que nous allons faire. Donc, tous les bien-aimés qui habitent Kikula, qui habitent Lanish, 40 maisons coulées, voilà, peuvent rester avec moi. Et nous allons parler ensemble et voir comment nous pouvons mettre un secteur pour l'encadrement et comment nous pouvons nous organiser de ce côté-là. C'est très important. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On et est si arrivé à la fin. Lève tes mains. Dis merci au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour tout ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Tes grâces sont en grand nombre. Je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Sois élevé. Oui, nous liwe bwa. Aleluya, aleluya. Que la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous accompagne toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les mamans sont priées de rester. Les bien-aimés de Kikula Landis, 40 maisons. Je donne juste 3 minutes et je reviens.